Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous et de vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador. CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO La Radio de l'Université d'Ottawa et CFRH La Radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. En vol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, mais contacts d'artistes francophones, vous m'envoyez ça à canrockcdn@commercialgmail.com. Et bien entendu, un beau bonjour à tous les gens qui m'écoutaient à travers toutes ces stations-là. On va y aller avec la deuxième partie du bloc de l'Est Québec-Ontario, hein, début de deuxième heure, et on va parler des rencontres qui chantent. C'est mon bon ami Marcel Aymard qui, lui, m'a envoyé des nouvelles et des photos par rapport à l'édition de cette année. Bon, c'est plusieurs auteurs, compositeurs, interprètes, entre autres le Canada, il y a aussi la France, la Belgique, je ne me trompe pas, qui sont venus pour faire quelques spectacles à travers le Canada. De l'Ontario, on pouvait voir Marie-Claude, qu'on va entendre avec Vagabond. Je pense qu'elle commence à écrire son prochain album. On va entendre également Daniel Groslot avec Saboteur. Et pourquoi pas se rappeler un beau souvenir, Tu me manques, Marcel Aymard. Par là-bas ou par ici? C'est vaste la géographie du cœur, ok, ok. S'il faut partir aujourd'hui, je remplirai toutes mes valises. Il sait, ok, ok, ok, ok. Il sait, ok, ok, ok, ok. Je suis vagabond sous la rayon. Sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde, toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir, c'est de partager ce qu'on a désir, de voir ce qui se trouve derrière les lignes dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok, ok, ok, ok. Il sait, ok, ok, ok, ok. Je suis vagabond sous la rayon. Sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde, toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Je suis vagabond sous le rayon. Sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde, toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Je suis vagabond sous la rayon. Sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde, toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. je ne peux pas. Da da da do reste. J'ai besoin de toi. Dreams of you, tu me manques, baby, what can I do? Et comment te plaire? Tu me manques and you don't even care. Exact situation. Tu me manques and you don't even care. Don't even care. And you don't even care. Tu me manques and you don't even care. Don't even care. And you don't even care. Don't even care. Tu me manques and you don't even care. Manque Marcel Aymard. Et juste avant, bien sûr, c'était pas Daniel Groslot, mais bien Daniel Groslot Landry. Désolé, Daniel, le petit blanc comme ça. Et juste avant, Marie-Claude également. Donc, voilà pour le bloc de l'Est Québec-Ontario. On va... ça nous amène à notre bloc instrumental. Et je sais pas, c'est comme ça un peu partout à travers le Canada. Mais il y a du stuff blanc qui nous est tombé dessus. Et oui, on est rendu là. On est rendu à l'hiver. Et du stuff blanc, il y a du monde qui aime bien ça. Il y a du monde qui haït ça, la neige. Ça, c'est correct. Mais il y a du monde qui adore ça. Ceux qui font les sports d'hiver, qui font du ski, qui font de la planche. La planche à neige, bien sûr. Donc, j'ai justement une pièce pour vous de Chris and the Crazy Brass, Christian Mallette, originaire de Gatineau, qui demeure maintenant à Montréal. C'est lui qui fait le thème de l'émission, Late Night Shuffle. Et sur son petit EP, petit album qu'il avait sorti pour sa graduation du cégep Saint-Laurent, si je ne me trompe pas, il y avait une pièce qui s'appelait « The Snowboarder ». assez heavy, assez un peu, bon, on disait peut-être un peu vanillune, là, mais quand même assez intéressant comme pièce. Donc, si vous aimez la grosse guitare, c'est le fun, il y en a. Si vous aimez la guitare un peu plus jazzy, un peu plus planant, un peu plus atmosphérique, peux-tu dire ça? Par la suite, on va entendre Souvenir, hein, comme Souvenir d'hiver. Souvenir de Louis Trudel. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles, voir s'il y a un nouvel album qui s'en vient. Mais lui, il avait sorti un album qui s'appelait Ouverture ou Overture. Très, très belle guitare jazz, assez intéressante. Donc, Souvenir, ça s'en vient dans quelques instants de M. Louis Trudel, qui, je crois, demeure toujours dans la région de l'Outaouais. Mais là, on y va avec une belle grosse toune instrumentale rock heavy. Voici The Snowboarder, Chris and the Crazy Brass.